Enseignement par le vénérable Sayadaw Unanujota, Centre de méditation d'Amarancy de Rivière, 6 juillet 2022. Aujourd'hui, nous parlerons de Piti la joie, l'un des 7 facteurs d'illumination. L'esprit se manifeste toujours avec des concomitants. Piti rend l'esprit et les propriétés mentales, les concomitants, heureux. Piti a la nature de se sentir heureux. Sa caractéristique, c'est d'apaiser l'esprit, de le rendre satisfait. Et ses sensations de paix et de satisfaction sont diffusées dans l'esprit tout entier. L'esprit qui est pacifié aura un effet sur le corps qui va devenir très léger et très doux. Ce type de matière, c'est la matière causée par l'esprit. C'est la fonction de Piti de diffuser la paix et la satisfaction dans l'esprit et ensuite dans le corps. L'esprit va devenir très doux, satisfait, le corps également sera devenu agréable, léger et malléable. Le méditant pourrait avoir l'impression de s'élever dans l'air, d'être assis sur un coussin d'air. Il aura peut-être l'impression que son corps s'étend vers le haut, vers le côté. Il est devenu très léger. Il y a 5 sortes de piti. La première sorte, c'est kudika piti. La deuxième, c'est kanika piti. La troisième, c'est okantika piti. La quatrième, c'est ubega piti. Et la cinquième, parana piti. La première sorte de piti, c'est donc kudika piti, la joie mineure. Ce sont des sensations de chair de poule quelque part sur le corps. C'est sa manifestation. L'esprit du méditant est libéré des empêchements et il est devenu très pur. C'est alors que la sensation de chair de poule peut se manifester. C'est la caractéristique de kudika piti. La deuxième sorte de piti, c'est kanika piti, la joie momentanée. Elle apparaît et disparaît régulièrement. C'est comme des flashs lumineux qui vont se manifester de façon répétée, par moments. Ce type de joie est un peu plus intense que kudika piti. La troisième sorte de piti est appelée okantika piti en pali, la joie déferlante. Cette sorte de piti se manifeste comme un déferlement sur le corps, comme si devant soi il y avait une vague immense qui avance et risque de nous emporter. Lorsque le méditant expérimente ce genre de choses, il est très impressionné, il se demande ce qui va lui arriver. La quatrième sorte de piti, c'est ubega piti. Elle donne au yogi l'impression d'être soulevé du sol. C'est comme s'il était assis dans l'air, flottant. Il se sent extrêmement léger et lorsqu'il marche, il a l'impression de le faire dans l'espace. Le corps se déplace très légèrement. La cinquième sorte de piti est appelée parana piti. Elle envahit le corps tout entier, elle l'imbibe complètement et est là pour longtemps. C'est la joie envahissante. Lorsqu'on expérimente ce genre de piti, la joie envahissante, On a le sentiment d'être parfaitement à l'aise. On est si bien qu'on n'a pas envie d'arrêter la méditation. Le corps tout entier est ressenti comme très agréable. Cette joie imbibe le corps tout entier. Dans les commentaires, on dit qu'il y a 11 causes pour l'apparition de Piti. La première, c'est Buddha Nusati, la réflexion sur les qualités du Bouddha. Le Bouddha a beaucoup de qualités, mais il suffit de se concentrer sur une seule de ces qualités. Pitti-sambhujanga est alors susceptible d'apparaître. Lorsque nous récitons Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, c'est un hommage au Bouddha. Lorsqu'on contemple donc sa qualité de Arahant, on pourra se débarrasser dans une certaine mesure de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Le Bouddha a lui-même pratiqué ce genre de méditation et il s'est débarrassé complètement des impuretés. Son esprit était devenu totalement pur. Chez nous, cette pratique est imparfaite et nous ne nous débarrassons des impuretés que dans une certaine mesure, alors que chez le Bouddha, la pureté de son esprit était parfaite. Le fait de réfléchir et de prendre conscience que nous avons pu atteindre un certain niveau de pureté et de bonheur grâce à cette concentration sur les qualités du Bouddha, grâce à l'absence de Kilesa au moment où nous observions attentivement, et que le Bouddha, lui, a réussi à le faire de façon parfaite. Son esprit était devenu totalement pur et il expérimentait donc piti la joie à un très haut niveau. Le fait de réfléchir à tout cela va peut-être faire apparaître piti sambhojanga. La deuxième cause pour faire apparaître piti sambhojanga, c'est de réfléchir aux qualités du Dhamma. Ici non plus, il n'est pas nécessaire de passer en revue toutes les qualités du Dhamma. Nous pouvons nous limiter à la première qualité, c'est-à-dire svakato. Le Dhamma du Bouddha est bien exposé. Svakato Bhagavata Dhammo. Nous devons prendre conscience et réfléchir au fait que le Dhamma du Bouddha a été bien présenté, bien exposé. Si nous le réalisons, si nous le comprenons, piti va se manifester en nous. Comment se fait-il que piti puisse se manifester par le simple fait de réfléchir à cette première qualité du Dhamma, le fait qu'il est bien exposé? Nous le pratiquons, ce Dhamma du Bouddha, de façon sérieuse, et plus nous le pratiquons, plus les connaissances vipassana vont se manifester. Notre compréhension, notre sagesse se développe et la paix s'installe en nous. Il y a aussi le fait que nous respectons les préceptes moraux, ce qui est un autre aspect de l'enseignement du Bouddha. Ces préceptes moraux vont nous protéger contre les situations déplaisantes. Nous nous abstenons de paroles et d'actes négatifs. Nous allons également pratiquer samadhi, la concentration, encore un autre aspect de l'enseignement du Bouddha. Nous développons cette concentration et obtenons samatha sukha, le bonheur de la concentration. Nous réalisons alors les causes et les effets. Nous expérimentons directement par nous-mêmes que le fait de pratiquer la méditation, de développer la concentration, de pratiquer sila, la moralité, a pour conséquence le bonheur. De cette façon, nous comprenons et nous réalisons qu'en effet, ce Dhamma a été bien exposé puisque nous pouvons obtenir tous ces résultats. Nous comprenons que les résultats que nous engrangeons sont directement proportionnels à la qualité de notre observation. Nous maintenons nos préceptes moraux purs, notre concentration se développe de plus en plus, et il est possible que finalement nous réalisions Nibbana. À réfléchir à tout cela, nous comprenons qu'en effet, le Dhamma du Bouddha a été bien exposé. Le méditant qui a expérimenté la saveur du Dhamma comprend qu'en effet, l'enseignement du Bouddha est svakato. La troisième cause pour l'apparition de Piti Sambujanga, c'est le fait de réfléchir aux qualités de la Sangha. De nouveau, il est suffisant de réfléchir à une seule de ces qualités. La première qualité de la Sangha, c'est qu'elle a bien pratiqué. Elle est engagée sur le chemin juste. Elle a réussi à se libérer des kilesas et à réaliser Nibbana. Nous aussi, nous entreprenons la pratique et pratiquons l'enseignement du Bouddha. Nous aussi, à terme, nous pourrons réaliser Nibbana, nous débarrasser de toutes les kilesas. Donc spontanément, nous avons une sensation de respect pour la Sangha qui a réalisé tout cela à un haut niveau. Nous pouvons comparer notre pratique à la leur. Nous avons réussi à nous débarrasser des kilesas, mais dans une certaine mesure seulement. Nous n'avons peut-être pas encore réalisé Nibbana. Mais les membres de la Sangha se sont débarrassés des kilesas à un plus haut niveau et elles ont réalisé Nibbana. La quatrième cause pour l'apparition de Piti Sambojanga, c'est de réfléchir au fait que notre sila a été maintenu pur. Il y a plusieurs façons de pratiquer sila la moralité. Les moines ont beaucoup de préceptes à respecter, mais les laïcs également devront respecter au moins 5 préceptes. Il est possible que par moment ils prennent 9 préceptes, comme nous ici. Quel que soit le nombre de préceptes à respecter, si on réfléchit au fait que nous les avons maintenus purs, cela peut faire surgir Piti Sambojanga. Il faut savoir que plus les préceptes moraux sont maintenus purs, plus la pratique s'améliore. C'est la même chose pour la concentration. Plus elle se développe, plus la sagesse se manifeste. La base, c'est donc les préceptes moraux. C'est important pour progresser. La cinquième cause pour l'apparition de Piti Sambojanga, c'est Chaga Nusati, la contemplation, la réflexion à propos de notre générosité. Il s'agit ici de réfléchir de façon répétée à notre générosité. Cela peut faire surgir Piti Sambojanga. Il faut savoir que pour que cette réflexion à propos de la générosité puisse amener le développement du facteur d'illumination de la joie, il faut que les actes auxquels nous repensons aient été faits sans aucune intention égoïste. Ils doivent avoir été faits dans le simple but de rendre l'autre heureux. Il faut également que cet acte de générosité ait été accompagné de l'intention de réaliser Nibbana. Il y a donc deux conditions pour que cet acte de générosité puisse devenir la cause pour Piti. Il faut tout d'abord qu'il ait été dénué de toute forme d'égoïsme et ensuite qu'il ait été posé dans l'intention de devenir la cause pour l'atteinte de la libération. Si nous pratiquons la générosité dans cet état d'esprit, cet acte de générosité devient une parami, une vertu. Par temps de famine, par exemple, il est parfois très difficile de se procurer de la nourriture. Un méditant avancé dans sa pratique pourrait alors décider d'offrir à ses compagnons de route le peu qu'il a, et plus tard il réfléchit au fait qu'il a posé cet acte généreux. Il est possible qu'il introduise en lui la joie. Voyons maintenant une histoire qui se passait au Sri Lanka et qui illustre très bien ce qui vient d'être expliqué. Le roi Toutagamani était en guerre, mais il n'avait pas beaucoup de nourriture ni pour lui ni pour ses soldats. Au cours de la bataille, il dut à un moment se réfugier dans les bois et décida alors de consommer avec ses soldats le peu de nourriture qu'ils avaient. À ce moment-là, apparut un moine et le roi décida de lui offrir l'entièreté de la nourriture dont il disposait. Il n'avait donc pas gardé la nourriture pour lui, mais l'offrit entièrement au moine. Plus tard, lorsqu'il réfléchit à cette donation, à ce don très généreux qu'il avait fait, il fut empli de joie. La sixième cause pour l'apparition de Piti Sambhojanga, c'est Devatanusati. Devata veut dire être céleste. Mais cette façon de pratiquer la contemplation ne veut pas dire qu'il faut réfléchir aux êtres célestes. Les êtres célestes vivent donc dans des plans agréables. Il y a des devas, des anges et des brahmas. S'ils ont repris naissance dans ces plans, c'est parce que dans leurs vies antérieures, ils avaient foi dans des lois, comme par exemple la loi de cause et d'effet, qui veut qu'un acte négatif amène un effet négatif, qu'un acte positif amène un effet positif, que le fait de garder les préceptes purs amène une bonne renaissance. Si on pratique samadhi, la concentration, si on pratique panya, la sagesse, si on fait des actes de générosité, toutes ces actions sont méritoires et elles amènent une bonne renaissance. Ils y croyaient. À cause de cette foi, ils ont repris naissance dans de bons plans. Nous réalisons que nous aussi, nous avons posé des actes positifs, nous avons pratiqué la méditation. Nous avons développé notre concentration, nous avons respecté les préceptes moraux, nous avons été généreux, et donc nous aussi, nous pouvons, grâce à toutes ces actions méritoires, reprendre naissance dans de bons plans. À réfléchir à tout cela, la joie va sans doute apparaître. La septième cause pour l'apparition de Piti Sambhojanga, c'est réfléchir au fait que nous avons vaincu les kilesas. La qualité de Upasana, le fait d'être devenu calme, apaisé, cette qualité est le résultat de la méditation. C'est la libération par rapport aux impuretés, aux kilesas, c'est la paix éternelle, Nibbana. Nous aussi, nous avons posé des actes positifs, nous avons pratiqué la méditation, nous avons développé la concentration, nous avons respecté les préceptes moraux, nous avons fait des actes de générosité. Donc nous aussi, nous pouvons, grâce à toutes ces actions méritoires, reprendre naissance dans de bons plans. Cette réflexion à propos de tout cela va amener la joie en nous. Il y a des méditants qui ont réussi à se débarrasser des kilesas et qui expérimentent cette paix. Ils constatent qu'ils ne sont plus les mêmes. Lorsqu'ils se trouvaient dans des situations compliquées dans le passé, ils étaient très tendus, ils avaient toutes sortes de désagréments et tout cela a disparu. Ils comprennent donc qu'il est possible pour un méditant de mettre fin à tous ces désagréments par la pratique. À réfléchir à tout cela, ces méditants se sentent heureux car ils ont réussi dans une certaine mesure à vaincre ces pollutions mentales. Et tout cela va faire apparaître piti. La huitième cause pour l'apparition de piti, c'est d'éviter la compagnie des personnes grossières, colériques. Lorsqu'on est en colère, on devient grossier, On ne sait pas que certaines personnes méritent d'être respectées. Ils ne savent pas que la méditation est importante. Comment serait-il possible d'être heureux en compagnie d'une telle personne? Il faut donc éviter ce genre de compagnie. La neuvième cause pour l'apparition de Piti Sambhojanga, c'est de rechercher au contraire la compagnie des personnes sages. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de colère en eux. Ils ont plutôt de la compassion, de l'amour bienveillant. Ils sont doux, s'expriment avec noblesse, agréables à entendre. Les personnes qui ont beaucoup de metta, d'amour bienveillant, ont l'esprit apaisé. Ils sont doux, polis, à la fois physiquement et vocalement. Vivre avec ce genre de personnes amène la joie. La dixième cause pour faire apparaître Piti Sambhojanga, c'est de réfléchir à des suttas inspirants, à des enseignements qui parlent des qualités du Bouddha, des qualités du Dhamma, des qualités de la Sangha. Cela va susciter un sentiment de respect par rapport à ces trois joyaux. Il est tout particulièrement recommandé de réfléchir à des suttas qui expliquent la pratique, comme le Satipatthana Sutta par exemple. Mais nous pouvons également lire des livres. Si nous comprenons les bénéfices qu'amène la pratique, quelle que soit la façon dont on a entendu l'enseignement, cela va susciter le bonheur, la joie. La onzième cause pour l'apparition de Piti Sambhojanga, c'est d'incliner l'esprit vers le développement de Piti Sambhojanga. Il faut le faire dans les quatre postures, la posture assise, la posture en marche, la posture allongée et la posture debout. Il faut être déterminé à maintenir l'effort d'être attentif à tout ce qui se manifeste à chaque instant, dans le but de se débarrasser des kilesas et de développer la concentration. Nous devrons emmener notre attention avec nous dans toutes les activités que nous serons amenés à faire dans les quatre postures. Nous devons donner à cela la priorité. Nous devons donner à Piti la priorité. Il faut la faire apparaître dans l'esprit. Si on se souvient qu'il faut être attentif et observer tous les objets qui se manifestent à chaque instant dans les quatre postures, sans omission, cela fera apparaître Piti. Il y a ici certains yogis qui ont déjà pratiqué pendant un certain temps. S'ils poursuivent leur effort dans cet état d'esprit, être attentif dans les quatre postures sans aucune omission, s'ils ont cet état d'esprit, leur samadhi va se renforcer, la sagesse va apparaître et ils deviennent alors en mesure d'expérimenter Piti, la joie. Puissiez-vous tous poursuivre votre pratique et expérimenter Piti Sambhojanga. Sayato va terminer son enseignement en vous souhaitant à tous d'expérimenter les bénéfices de Piti. Sadhu, sadhu, sadhu.